dit : Voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis, décidé à embrasser l'islam ?